Chapitre 5. Les gendarmes. Le roi ne paraissait pas fort ému. Cependant, ses sourcils étaient plus rapprochés qu'à l'ordinaire, et les rides de son front formaient un angle aigu entre les deux yeux. Il demanda au nouveau venu : Par où monte-t-il ? Par Castia. Combien de compagnies ? Une. Laquelle ? Je ne sais pas. Attendons. Un second messager arrivait à toutes jambes pour donner l'alarme. Agistravos lui cria du plus loin qu'il le vit. « Est-ce la compagnie de Périclès ?» Le brigand répondit. « Je n'en sais rien, je ne sais pas lire les numéros. » Un coup de feu retentit dans le lointain. « Chut !» fit le roi en tirant sa montre. L'assemblée observa un silence religieux. Quatre coups de fusil se succédèrent de minute en minute. Le dernier fut suivi d'une détonation violente qui ressemblait à un feu de peloton. Agistravos remit en souriant sa montre dans sa poche. « C'est bien, dit-il. Rentrez les bagages au dépôt et servez-nous du vin d'Égine. C'est la compagnie de Périclès. » Il m'aperçut dans mon coin juste au moment où il achevait sa phrase. Il m'appela d'un ton goguenard. « Venez, monsieur l'Allemand, vous n'êtes pas de trop. Il est bon de se lever matin. On voit des choses curieuses. Votre soif est-elle éveillée ? Vous boirez un verre de vin d'Égine avec nos braves gendarmes. » Cinq minutes plus tard, on apporta trois outres énormes, tirées de quelques magasins secrets. Une sentinelle attardée vint dire au roi. « Bonne nouvelle, les gendarmes de Périclès !» Quelques brigands s'empressèrent au-devant de la troupe. Le corfiote, beau parleur, courut haranguer le capitaine. Bientôt, on entendit le tambour. On vit poindre le drapeau bleu et 60 hommes bien armés dénièrent sur deux rangs jusqu'au cabinet d'Agistravos. Je reconnus M. Périclès pour l'avoir admiré à la promenade de Patissia. C'était un jeune officier de 35 ans, brun, coquet, aimé des dames, beau valseur à la cour et portant avec grâce les épaulettes de fer blanc. Il remit son sabre au fourreau, courut au roi des montagnes et l'embrassa sur la bouche en lui disant « Bonjour, parrain !»« Bonjour, petit !» répondit le roi en lui caressant la joue du revers de la main. « Tu t'es toujours bien porté ?»« Merci, et toi ?»« Comme tu vois, et la famille ?»« Mon oncle l'évêque a les fièvres. »« Amène-le-moi ici, je le guérirai. »« Le préfet de police va mieux ?»« Un peu. »« Il te dit bien des choses, le ministre aussi. »« Quoi de nouveau ?»« Bal au palais pour le 15, c'est décidé, le siècle l'a dit. »« Tu danses donc toujours ? Que fait-on à la bourse ?» Baisse sur toute la ligne. Bravo, as-tu des lettres pour moi ? Oui, les voici. Fautini n'était pas prête. Elle t'écrira par la poste. Un verre de vin, à ta santé, petit. Dieu te bénisse, parrain. Quel est ce franc qui nous écoute ? Rien, un Allemand sans conséquence. Tu ne sais rien à faire pour nous ? Le payeur général envoie 20 000 francs à Argos. Les fonds passeront demain soir par les roches xicroniennes. J'y serai. « Faut-il beaucoup de monde ?»« Oui, la caisse est escortée de deux compagnies. »« Bonnes ou mauvaises ?»« Détestables, des gens à se faire tuer. »« Je pendrai tout mon monde. »« En mon absence, tu garderas nos prisonniers. »« Avec plaisir. À propos, j'ai les ordres les plus sévères. »« Tes Anglaises ont écrit à leur ambassadeur. »« Elles appellent l'armée entière à leur secours. »« Et c'est moi qui leur ai fourni le papier. »« Ayez donc confiance aux gens. »« Il faudra écrire mon rapport en conséquence. » Je leur raconterai une bataille acharnée. Nous rédigerons cela ensemble. Oui, cette fois, parrain, c'est moi qui remporte la victoire. Non. Si, j'ai besoin d'être décoré. Tu le seras un autre jour. Quel insatiable! Il n'y a pas un an que je t'ai fait capitaine. Mais comprends donc, cher parrain, que tu as intérêt à te laisser vaincre. Lorsqu'on saura que ta bande est dispersée, la confiance renaîtra. Les voyageurs viendront et tu feras des affaires d'or. Oui, mais si je suis vaincu, la bourse montera, et je suis à la baisse. Tu m'en diras tant. Au moins, laisse-moi te massacrer une douzaine d'hommes. Soit. Cela ne fera de mal à personne. De mon côté, il faut que j'en tue 10. Comment ? On verra bien à notre retour que la compagnie est au complet. Du tout, tu les laisseras ici. J'ai besoin de recrues. En ce cas, je te recommande le petit Spiro, mon adjudant. Il sort de l'école des Évelpides. Il a de l'instruction et de l'intelligence. Le pauvre garçon ne touche que 78 francs par mois, et ses parents ne sont pas heureux. S'il reste dans l'armée, il ne sera pas sous-lieutenant avant 5 ou 6 ans. les cadres sont encombrés. Mais qu'il se fasse remarquer dans ta troupe, on lui offrira de le corrompre. Il aura sa nomination dans 6 mois. Va pour le petit Spirou. Sait-il le français ? Possiblement. Je le garderai peut-être. S'il faisait mon affaire, je l'intéresserais dans l'entreprise. Il deviendrait actionnaire. Tu remettras à qui de droit notre compte rendu de l'année. Je donne 82%. Bravo, mes 8 actions m'auront plus rapporté que ma solde de capitaine. Ah, parrain, quel métier que le mien ! Que veux-tu ? Tu serais brigand sans les idées de ta mère. Elle a toujours prétendu que tu manquais de vocation. À ta santé ! À la vôtre, monsieur Lallemand. Je vous présente mon filleul, le capitaine Périclès, un charmant jeune homme qui sait plusieurs langues et qui voudra bien me remplacer auprès de vous pendant mon absence. Mon cher Périclès, je te présente monsieur qui est docteur et qui vaut 15 000 francs. Croirais-tu que ce grand docteur-là, tout docteur qu'il est, n'a pas encore su faire payer sa rançon par nos Anglaises ? Le monde dégénère, petit. Il valait mieux de mon temps. Là-dessus, il se leva lestement et courut donner quelques ordres pour le départ. Était-ce le plaisir d'entrer en campagne ou la joie d'avoir vu son filleul ? Il semblait tout rajeuni. Il avait 20 ans de moins, il riait, il plaisantait, il secouait sa majesté royale. Je n'aurais jamais supposé que le seul événement capable de dérider un brigand fût l'arrivée de la gendarmerie. Sophocles, Vasile, le Corfiote et les autres chefs répandirent dans tout le camp les volontés du roi. Chacun fut bientôt prêt à partir grâce à l'alerte du matin. Le jeune adjudant Spirou et les 9 hommes choisis parmi les gendarmes échangèrent leurs uniformes contre l'habit pittoresque des bandits. Ce fut un véritable escamotage. Le ministre de la guerre, s'il eût été là, n'en aurait senti que le vent. Les nouveaux brigands ne témoignèrent nul regret de leur premier état. Les seuls qui murmurèrent furent ceux qui restaient sous le drapeau. 2 ou 3 moustaches grises disaient hautement qu'on faisait la part trop belle au choix et qu'on ne tenait pas assez compte de l'ancienneté. Quelques grognards vantaient leurs états de service et prétendaient avoir fait un congé dans le brigandage. Le capitaine les calma de son mieux en promettant que leur tour viendrait. Agistravos, avant de partir, remit toutes les clés à son suppléant. Il lui montra la grotte au vin, la caverne aux farines, la crevasse au fromage et le tronc d'arbre où l'on serrait le café. Il lui enseigna toutes les précautions qui pouvaient empêcher notre fuite et conserver un capital si précieux. Le beau Périclès répondit en souriant : « Que crains-tu ? Je suis actionnaire. » À 7 heures du matin, le roi se mit en marche et ses sujets défilèrent un à un derrière lui. Toute la bande s'éloigna dans la direction du nord en tournant le dos aux roches skironiennes. Elle revint, par un chemin assez long, mais commode, jusqu'au fond du ravin qui passait sous notre appartement. Les brigands chantaient du haut de leur tête, en piétinant dans l'eau de la cascade. Leur marche guerrière était une chanson de 4 vers, un péché de jeunesse d'Agistravos. Un cleft aux yeux noirs descend dans les plaines, son fusil doré, etc. Vous devez connaître cela, les petits garçons d'Athènes ne chantent pas autre chose en allant au catéchisme. Madame Simon, qui dormait auprès de sa fille, et qui rêvait gendarme comme toujours, se réveilla en sursaut et courut à la fenêtre, c'est-à-dire à la cascade. Elle fut cruellement désabusée en voyant des ennemis où elle espérait des sauveurs. Elle reconnut le roi, le Corfiote et beaucoup d'autres. Ce qui l'étonna plus encore, c'est l'importance et le nombre de cette expédition matinale. Elle compta jusqu'à 60 hommes à la suite d'Agistravos. 60, pensa-t-elle, il n'en resterait que 20 pour nous garder. L'idée d'une évasion qu'elle repoussait l'avant-veille se présenta avec quelque autorité à son esprit. Au milieu de ses réflexions, elle vit défiler une arrière-garde qu'elle n'attendait pas. 16, 17, 18, 19, 20 hommes. Il ne restait donc plus personne au camp. Nous étions libres. Marianne, cria-t-elle. Le défilé continuait toujours. La bande se composait de 80 brigands. Il en partait 90. Une 12aine de chiens fermait la marche, mais elle ne prit pas la peine de les compter. Marianne se leva au cri de sa mère et se précipita hors de la tente. « Libre ! » cria Madame Simon. « Ils sont tous partis. Que dis-je ? Il en est parti plus qu'il n'y en avait. Courons, ma fille !» Elles coururent à l'escalier et virent le camp du roi occupé par les gendarmes. Le drapeau grec flottait triomphalement au faîte du sapin. La place d'Agistravos était occupée par M. Périclès. Madame Simon vola dans ses bras avec un tel emportement qu'il eut du mal à parer l'embrassade. « Ange de Dieu, lui dit-elle, les brigands sont partis !» Le capitaine répondit en anglais. « Oui, madame. Vous les avez mis en fuite ?»« Il est vrai, madame, que sans nous, ils seraient encore ici. » « Excellent jeune homme, la bataille a dû être terrible. »« Pas trop, bataille sans larmes. »« Je n'ai eu qu'un mot à dire. »« Et nous sommes libres ?»« Assurément. »« Nous pouvons retourner à Athènes ?»« Quand il vous plaira. » »« Eh bien, partons. » »« Impossible pour le moment. » »« Que faisons-nous ici ?»« Notre devoir de vainqueur, nous gardons le camp de bataille. » »« Marianne, serrez la main de monsieur. » La jeune Anglaise obéit. « Monsieur, reprit madame Simon, c'est Dieu qui vous envoie. » Nous avions perdu toute espérance. Notre seul défenseur était un jeune Allemand de la classe moyenne, un savant qui cueille des herbes et qui voulait nous sauver par les chemins les plus saugrenus. Enfin, nous voici. J'étais bien sûr que nous serions délivrés par la gendarmerie. N'est-il pas vrai, Marianne ? Oui, maman. Sachez, monsieur, que ces brigands sont les derniers des hommes. Ils ont commencé par nous prendre tout ce que nous avions sur nous. Tout ? Demanda le capitaine. Tout excepté ma montre, que j'avais eu soin de cacher. « Vous avez bien fait, madame. Et ils ont gardé ce qu'ils vous avaient pris ?»« Non, ils nous ont rendu 300 francs, un nécessaire d'argent et la montre de ma fille. »« Ces objets sont encore en votre possession ?»« Sans doute. »« Vous avez-on pris vos bagues et vos pendants d'oreilles ?»« Non, monsieur le capitaine. »« Soyez assez bonne pour me les donner. »« Vous donnez quoi ?»« Vos bagues, vos pendants d'oreilles, un nécessaire d'argent, deux montres et une somme de 300 francs. » Madame Simon se récria vivement. « Quoi, monsieur, vous voulez nous reprendre ce que les brigands nous ont rendu ?» Le capitaine répondit avec dignité. « Madame, je fais mon devoir. »« Votre devoir est de nous dépouiller ?»« Mon devoir est de recueillir toutes les pièces de conviction nécessaires au procès d'Agistravos. » »« Il sera donc jugé ?»« Dès que nous l'aurons pris. » »« Il me semble que nos bijoux et notre argent ne serviront de rien, et que vous avez abondamment de quoi le faire pendre. » D'abord, il a arrêté deux Anglaises. Que faut-il de plus ? Il faut, madame, que les formes de la justice soient observées. Mais, cher monsieur, parmi les objets que vous me demandez, il en est auxquels je tiens beaucoup. Raison de plus, madame, pour me les confier. Mais, si je n'ai plus de montre, je ne serai jamais... Madame, je me ferai toujours un bonheur de vous dire quelle heure il est. Marianne fit observer à son tour qu'il lui répugnait de quitter ses pendants d'oreilles. Mademoiselle, répliqua le galant capitaine, vous êtes assez belle pour n'avoir pas besoin de parure. Vous vous passerez mieux de joyaux que vos joyaux ne se passeront de vous. Vous êtes trop bon, monsieur, mais mon nécessaire est un meuble indispensable. Qui dit nécessaire dit chose dont on ne saurait se passer. Vous avez 1000 fois raison, mademoiselle. Aussi, je vous supplie de ne pas insister sur ce point. Ne redoublez point le regret que j'ai déjà de dépouiller légalement deux personnes aussi distinguées. Hélas, mademoiselle, nous autres militaires, nous sommes les esclaves de la consigne, les instruments de la loi, les hommes du devoir. Daignez accepter mon bras, j'aurai l'honneur de vous conduire jusqu'à votre tente. Là, nous procéderons à l'inventaire, si vous voulez bien le permettre. Je n'avais pas perdu un mot de tout ce dialogue, et je m'étais contenu jusqu'à la fin. Mais quand je vis ce friponneau de gendarme offrir son bras à Marianne pour la dévaliser poliment, je me sentis bouillir, et je marchais droit à lui pour lui dire son fait. Il dut lire dans mes yeux l'exorde de mon discours, car il me lança un regard menaçant, abandonna ces dames sur l'escalier de leur chambre, plaça une sentinelle à la porte et revint à moi en disant « À nous deux !» Il m'entraîna sans ajouter un mot jusqu'au fond du cabinet du roi. Là, il se campa devant moi, me regarda entre les yeux et me dit « Monsieur, vous entendez l'anglais ?» Je confessai ma science, il reprit « Vous savez le grec aussi ?»« Oui, monsieur. Alors, vous êtes trop savant. » Comprenez-vous, mon parrain, qui s'amuse à raconter nos affaires devant vous ? Passe encore pour les siennes, il n'a pas besoin de se cacher. Il est roi, il ne relève que de son sabre. Mais moi, que diable, mettez-vous à ma place. Ma position est délicate, j'ai bien des choses à ménager. Je ne suis pas riche, je n'ai que ma solde, l'estime de mes chefs et l'amitié des brigands. L'indiscrétion d'un voyageur peut me faire perdre les 2/3 de ma fortune. Et vous comptez que je garderai le secret sur vos infamies ? « Lorsque je compte sur quelque chose, monsieur, ma confiance est bien rarement trompée. Je ne sais pas si vous sortirez vivant de ces montagnes et si votre rançon sera jamais payée. Si mon parrain doit vous couper la tête, je suis tranquille, vous ne causerez pas. Si au contraire vous repassez par Athènes, je vous conseille en ami de vous faire taire sur ce que vous avez vu. Imitez la discrétion de feu madame la duchesse de Plaisance qui fut arrêtée par Bibichi et qui mourut 10 ans plus tard, sans avoir conté à personne les détails de son aventure. Connaissez-vous un proverbe qui dit « La langue coupe la tête » Méditez-le sérieusement et ne vous mettez point dans le cas d'en vérifier l'exactitude. La menace ? Je ne vous menace pas, monsieur, je suis un homme trop bien élevé pour m'en porter à des menaces, je vous avertis. Si vous bavardiez, ce n'est pas moi qui me vengerai. Mais tous les hommes de ma compagnie ont un culte pour leur capitaine. Ils prennent mes intérêts plus chaudement que moi-même. Et il serait impitoyable à mon grand regret pour l'imprudent qui m'aurait causé quelque ennui. Que craignez-vous si vous avez tant de complices ? Je ne crains rien des Grecs, et en temps ordinaire, j'insisterai moins fortement sur mes recommandations. Nous avons bien parmi nos chefs quelques forcenés qui prétendent qu'on doit traiter les brigands comme des Turcs. Mais je trouverai aussi des défenseurs convaincus si l'affaire devait se débattre en famille. Le mal est que les diplomates pourraient s'en mêler, et que la présence d'une armée étrangère nuirait sans doute au succès de ma cause. S'il m'arrivait malheur par votre faute, voyez, monsieur, à quoi vous seriez exposé. On ne fait pas 4 pas dans le royaume sans rencontrer un gendarme. La route d'Athènes au Pirée est sous la surveillance de ces mauvaises têtes, et un accident est bientôt arrivé. C'est bien, monsieur, j'y réfléchirai. Vous me promettez le secret ? Vous n'avez rien à me demander, et je n'ai rien à vous promettre. Vous m'avertissez du danger des indiscrétions, j'en prends note, et je me le tiens pour dit. Quand vous serez en Allemagne, vous pourrez raconter tout ce qu'il vous plaira. Parlez, écrivez, imprimez, peu m'importe. Les ouvrages qu'on publie contre nous ne font de mal à personne, si ce n'est peut-être à leur auteur. Libre à vous de tenter l'aventure. Si vous dépeignez fidèlement ce que vous avez vu, les bonnes gens d'Europe vous accuseront de dénigrer un peuple illustre et opprimé. Nos amis, et nous en avons beaucoup parmi les hommes de 60 ans, vous taxeront de légèreté, de caprice et même d'ingratitude. On vous rappellera que vous avez été l'hôte d'Agistravos et le mien. On vous reprochera d'avoir trahi les saintes lois de l'hospitalité. Mais le plus plaisant de l'affaire, c'est que l'on ne vous croira pas. Le public n'accorde sa confiance qu'aux mensonges vraisemblables. Allez donc persuader aux badauds de Paris, de Londres ou de Berlin que vous avez vu un capitaine de gendarmerie embrasser un chef de brigand, une compagnie de troupes d'élite faire sentinelle autour des prisonniers d'Agistravos pour lui donner le temps de piller la caisse de l'armée. Les plus hauts fonctionnaires de l'État fondaient une compagnie par action pour détrousser les voyageurs. Autant vaudrait leur raconter que les souris de l'Attique ont fait alliance avec les chats et que nos agneaux vont chercher leur nourriture dans la gueule des loups. Savez-vous ce qui nous protège contre les mécontentements de l'Europe ? C'est l'invraisemblance de notre civilisation. Heureusement pour le royaume, tout ce qu'on écrira de vrai contre nous sera toujours trop violent pour être cru. Je pourrais vous citer un petit livre qui n'est pas un autre louange, quoiqu'il soit exact d'un bout à l'autre. On l'a lu un peu partout, on l'a trouvé curieux à Paris, mais je ne sais qu'une ville où il est paru vrai, Athènes. Je ne vous défends pas d'y ajouter un second volume, mais attendez que vous soyez parti. Sinon, il y aurait peut-être une goutte de sang à la dernière page. Mais, repris-je, s'il se commet une indiscrétion avant mon départ, comment saurez-vous qu'elle vient de moi ? Vous êtes le seul dans mon secret. Les Anglaises sont persuadées que je les délivre d'Agistravos. Je me charge de les tenir dans l'erreur, jusqu'au retour du roi. C'est l'affaire de 2 jours, 3 au plus. Nous sommes à 40 nouveaux stades, 40 kilomètres, des roches skironiennes. Nos amis y arriveront dans la nuit. Ils feront leur coup demain soir, et vainqueurs ou vaincus, ils seront ici lundi matin. On saura prouver aux prisonnières que les brigands nous ont surpris. Tant que mon parrain sera absent, je vous protégerai contre vous-même, en vous tenant loin de ces dames. Je vous emprunte votre tente. Vous devez voir, monsieur, que j'ai la peau plus délicate que ce digne Agistravos, et que je ne saurais exposer mon teint aux intempéries de l'air. Que dirait-on le 15 au bal de la cour, si l'on me voyait aller comme un paysan ? D'ailleurs, il faut que je tienne compagnie à ces pauvres désolés. C'est mon devoir de libérateur. Quant à vous, vous coucherez ici au milieu de mes soldats. Permettez-moi de donner un ordre qui vous concerne. Lani, brigadier Lani, je te confie la garde de monsieur. Place autour de lui 4 sentinelles qui le surveilleront nuit et jour et l'accompagneront partout, l'arme au bras. Tu les relèveras de 2 heures en 2 heures. Marche. Il me salua avec une politesse légèrement ironique et descendit en chantonnant l'escalier de Madame Simon. la sentinelle lui porta les armes. Dès cet instant commença pour moi un supplice dont l'esprit humain ne saurait se faire une idée. Chacun sait ou devine ce que peut être une prison, mais essayez de vous figurer une prison vivante et ambulante, dont les quatre murs vont et viennent, s'écartent et se rapprochent, tournent et retournent, se frottent les mains, se grattent, se mouchent, se secouent, se démènent, et fixent obstinément huit grands yeux noirs sur le prisonnier. J'essayais de la promenade. Mon cachot à huit pattes régla son pas sur le mien. Je poussais jusqu'aux frontières du camp. Les deux hommes qui me précédaient s'arrêtèrent court, et je donnai du nez contre leurs uniformes. Cet accident m'expliqua une inscription que j'avais lue souvent, sans la comprendre, dans le voisinage des places fortes, limite de la garnison. Je revins, mes quatre murs tournèrent sur eux-mêmes comme des décors de théâtre dans un changement à vue. Enfin, las de cette façon d'aller, je m'assis. Ma prison se mit à marcher autour de moi. Je ressemblais à un homme ivre qui voit tourner sa maison. Je fermai les yeux. Le bruit cadencé du pas militaire me fatigua bientôt le tympan. Au moins, pensais-je en moi-même, si ces quatre guerriers daignent à causer avec moi, je vais leur parler grec. C'est un moyen de séduction qui m'a toujours réussi auprès des sentinelles. J'essayais, mais en pure perte. Les murs avaient peut-être des oreilles, mais l'usage de la voix leur était interdit. On ne parle pas sous les armes. Je tentais de la corruption. Je tirai de ma poche l'argent qu'Agistravos m'avait rendu et que le capitaine avait oublié de me prendre. Je le distribuai aux quatre points cardinaux de mon logis. Les murs sombres et renfrognés prirent une physionomie riante, et mon cachot fut illuminé comme d'un rayon de soleil. Mais 5 minutes plus tard, le brigadier vint relever les sentinelles. Il y avait juste 2 heures que j'étais prisonnier. La journée me parut longue, la nuit éternelle. Le capitaine s'était adjugé du même coup ma chambre et ma couche, et le rocher qui me servait de lit n'était pas moelleux comme la plume. Une petite pluie pénétrante comme un acide me fit sentir cruellement que la toiture est une belle invention, et que les couvreurs rendent de vrais services à la société. Si parfois, en dépit des rigueurs du ciel, je parvenais à m'endormir, j'étais presque aussitôt réveillé par le brigadier Lani, qui donnait le mot d'ordre. Enfin, vous le dirai-je, dans la veille et dans le sommeil, je croyais voir Marie-Anne et sa respectable mère serrer les mains de leur libérateur. Ah, monsieur, comme je commençais à rendre justice au bon vieux roi des montagnes! Comme je retirais les malédictions que j'avais lancées contre lui! Comme je regrettais son gouvernement doux et paternel! Comme je soupirais après son retour! Comme je le recommandais chaudement dans mes prières! « Mon Dieu, disais-je avec ferveur, donnez la victoire à votre serviteur, Agistravos. Faites tomber devant lui tous les soldats du royaume. Remettez en ses mains la caisse et jusqu'au dernier écu de cette infernale armée. Et renvoyez-nous les brigands pour que nous soyons délivrés des gendarmes. » Comme j'achevais cette oraison, un feu de fil bien nourri se fit entendre au milieu du camp. Cette surprise se renouvela plusieurs fois dans le cours de la journée et de la nuit suivante. C'était encore un tour de M. Périclès, pour mieux tromper Mme Simon et lui persuader qu'il la défendrait contre une armée de bandits, il commandait de temps à autre un exercice à feu. Cette fantaisie faillit lui coûter cher. Quand les brigands arrivèrent au camp, le lundi, au petit jour, ils crurent avoir affaire à de vrais ennemis, et ripostèrent par quelques balles, qui malheureusement n'atteignirent personne. Je n'avais jamais vu d'armée en déroute lorsque j'assistais au retour du roi des montagnes. Ce spectacle eut donc pour moi tout l'attrait d'une première représentation. Le ciel avait mal exaucé mes prières. Les soldats grecs s'étaient défendus avec tant de fureur que le combat s'était prolongé jusqu'à la nuit. Formés en carré autour des 2 mulets qui portaient la caisse, ils avaient d'abord répondu par un feu régulier aux tirailleurs d'Agistravos. Le vieux palicard, désespérant d'abattre un à un 120 hommes qui ne reculaient pas, avaient attaqué la troupe à l'arme blanche. Ses compagnons nous assurèrent qu'ils avaient fait des merveilles, et le sang dont ils étaient couverts montrait qu'il avait assez payé de sa personne. Mais la baïonnette avait eu le dernier mot. La troupe avait tué 14 brigands, dont un chien. Une balle de calibre avait arrêté l'avancement du jeune Spiro, cet officier de tant d'avenir. Je vis arriver une 60aine d'hommes recrues de fatigue, poudreux, sanglant, contusionné et blessé. Sophocles avait une balle dans l'épaule, on le portait. Le Corphiote et quelques autres étaient restés en route, qui chez les bergers, qui dans un village, qui sur la roche nue au bord du chemin. Toute la bande était morne et découragée. Sophocles hurlait de douleur. J'entendis quelques murmures contre l'imprudence du roi, qui exposait la vie de ses compagnons pour une misérable somme, au lieu de détrousser paisiblement les voyageurs riches et débonnaires. Le plus valide, le plus reposé, le plus content, le plus gaillard de la troupe était le roi. On lisait sur son visage la fière satisfaction du devoir accompli. Il me reconnut tout d'abord au milieu de mes quatre hommes et me tendit cordialement la main. « Cher prisonnier, me dit-il, vous voyez un roi bien maltraité. Ces chiens de soldats n'ont pas voulu lâcher la caisse. C'était de l'argent à eux. Ils ne se seraient pas fait tuer pour le bien d'autrui. Ma promenade aux roches skironiennes ne m'a rien rapporté et j'ai dépensé 14 combattants, sans compter quelques blessés qui ne guériront pas. Mais n'importe, je me suis bien battu. Ces coquins-là étaient plus nombreux que nous et ils avaient des baïonnettes. Sans quoi, allons, cette journée m'a rajeuni. Je me suis prouvé à moi-même que j'avais encore du sang dans les veines. » Et il fredonna les premiers vers de sa chanson favorite, « Un cleftre aux yeux noirs ». Il poursuivit, « Par Jupiter, comme disait Lord de Biron, je ne voudrais pas pour 20 000 autres francs être resté chez moi depuis samedi. On mettra encore cela dans mon histoire. On dira qu'à 70 ans passés, je suis tombé à grands coups de sabre au milieu des baïonnettes, que j'ai fendu 3 ou 4 soldats de ma propre main, et que j'ai fait 10 lieues à pied dans la montagne pour revenir ici prendre ma tasse de café. Café de J, mon enfant, fais ton devoir. J'ai fait le mien. Mais où diable est Périclès ? » Le joli capitaine reposait encore sous sa tente. L'âne courut le chercher et l'amena tout endormi, les moustaches défrisées, la tête soigneusement emmaillotée dans un mouchoir. Je ne sais rien de tel pour réveiller un homme qu'un verre d'eau fraîche ou une mauvaise nouvelle. Lorsque M. Périclès apprit que le petit Spirou et 2 autres gendarmes étaient restés sur le terrain, ce fut bien d'une autre déroute. Il arracha son foulard, et sans le tendre respect qu'il avait pour sa personne, il se serait arraché les cheveux. « C'est fait de moi, s'écria-t-il, comment expliquer leur présence parmi vous? Et en costume de brigand encore, on les aura reconnus, les autres sont maîtres du champ de bataille. Dirais-je qu'ils avaient déserté pour se mettre avec vous? Que vous les aviez fait prisonniers? On demandera pourquoi je n'en avais pas parlé. Je l'attendais pour faire mon grand rapport. J'ai écrit hier soir que je te serrais de près sur le Parnasse et que tous nos hommes étaient admirables. Sainte Vierge, n'oserais pas me montrer dimanche à Patricia. Que va-t-on dire le 15 au bal de la cour? Tout le corps diplomatique s'occupera de moi. On réunira le conseil. Serais-je seulement invité? Au conseil? Demanda le brigand. Non, au bal de la cour. Danseur, va. Mon Dieu, qui sait ce qu'on va faire? S'il ne s'agissait que de ces Anglaises, je ne me mettrais pas en peine. J'avouerai tout au ministre de la guerre. Des Anglaises, il y en a assez. Mais prêter mes soldats pour attaquer la caisse de l'armée, envoyer Spiro contre la ligne, on me montrera du doigt, je ne danserai plus. Qu'est-ce qui se frottait les mains pendant ce monologue? C'était le fils de mon père, entre ses 4 soldats. Hadji Stavros, paisiblement assis, dégustait son café à petites gorgées. Il dit à son filleul, « Te voilà bien embarrassé, reste avec nous. Je t'assure un minimum de 10 000 francs par an et j'enroule tes hommes. Nous prendrons notre revanche ensemble. » L'offre était séduisante. 2 jours plus tôt, elle aurait enlevé bien des suffrages. Et pourtant, elle parut sourire médiocrement aux gendarmes, nullement au capitaine. Les soldats ne disaient rien. Ils regardaient leurs anciens camarades. Ils lorgnaient la blessure de Sophocles. Ils pensaient aux morts de la veille. Et ils allongeaient le nez dans la direction d'Athènes, comme pour flairer de plus près l'odeur succulente de la caserne. Quant à M. Périclès, il répondit avec un embarras visible. « Je te remercie, mais j'ai besoin de réfléchir. Mes habitudes sont à la ville. Je suis d'une santé délicate. Les hivers doivent être rudes dans la montagne. Me voici déjà enrhumé. Mon absence serait remarquée à toutes les réunions. On me recherche beaucoup là-bas. On m'a souvent proposé de beaux mariages. » D'ailleurs, le mal n'est peut-être pas si grand que nous le croyons. Qui sait si les 3 maladroits auront été reconnus? La nouvelle de l'événement arrivera-t-elle avant nous? J'irai d'abord au ministère. Je prendrai l'air du bureau. personne ne viendra me contredire, puisque l'aide de compagnie poursuivent leur marche sur Argos. Décidément, il faut que je sois là. Je dois payer de ma personne. Soigne tes blessés. Adieu. » Il fit un signe à son tambour.